Bonjour, mercredi 17 novembre. Nous sommes en direct. Dernièrement, j'avais dit que j'avais acheté de l'or par crainte que nous n'atteignions pas des paliers plus bas. Eh bien, ça monte, ça monte, ça continue de monter. Donc, malheureusement, j'avais encore raison, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'auront pas de possibilité de s'en prendre. De moins en moins, là, je parle pas d'or papier. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Quatre personnes. Bon, c'est pas pire. J'ai un correspondant. Je lui avais écrit, je lui avais dit, parce que ce qu'il me décrivait, je lui avais dit, tu vas être mis en initiation dans ta vie par rapport à du concret, à des situations concrètes, techniques. Puis là, j'ai plus de nouvelles. Ça veut dire que ça va pas bien. Ça veut dire qu'il est en plein dedans. Je dois avouer que ça m'inquiète. C'est pour ça que je suis pas fort là, à avoir tant de contact que ça avec le monde, parce que j'ai la très, très, très mauvaise tendance à l'inquiétude et à avoir peur pour les autres. Bonsoir. Oméga Or. Or. OK. Ben oui. Comme je disais, oui, l'or monte. Finalement, c'est comme je pensais. Puis là, ça va atteindre certains paliers, d'après moi, puis ça ne redescendra pas nécessairement. Il y en a beaucoup qui m'ont parlé s'il fallait investir dans de la crypto-monnaie, plus maintenant, mais ça a été intéressant à un certain point, il y a un petit bout de temps. Mais à mes yeux, la crypto-monnaie sert à amener les gens dans le virtuel de monnaie virtuelle et à les éloigner des valeurs réelles. C'est comme ça que je vois ça. Aussi, là, par rapport, des fois, je vais dire à des gens, vous allez être mis en initiation concrètement dans votre vie techniquement. Là, il y en a un, j'ai pas de nouvelles depuis. Ça veut dire que ça va pas bien. Parce que c'était un assoiffé de me parler puis de correspondre. Puis là, pouf, d'un coup, plus de nouvelles. Je pense qu'il n'y a plus les moyens d'avoir de connexion Internet. Les initiations concrètes, des fois, ça peut être d'être mis à la rue, de se faire saisir ses avoirs. C'est là où je me suis porté à me faire de l'inquiétude. Puis vous savez, l'inquiétude, ce que c'est, ben, c'est lié à un détournement de l'énergie par une subjectivité. Donc tout le monde m'entend bien. Il n'y a personne qui m'écrit pour dire qu'ils ne m'entendent pas. C'est pour ça que je ne fais pas de consultation, que je ne veux pas en faire. Parce que j'ai trop de. Je suis d'une certaine. Ben, je vais être porté à m'inquiéter. Je vais être porté à m'inquiéter, puis je suis porté à vouloir empêcher les gens de se mettre dans des problèmes. Puis finalement, je peux pas aller contre les lois de l'intégration. Je peux pas empêcher les gens de se mettre en initiation. Je peux pas les empêcher de se mettre dans la merde. Je peux pas les empêcher de. C'est pas moi qui décide ça. Tout ce que je peux te dire, c'est bonsoir Sylvie. Tout ce que. Sylve. Sylve. Je vois toujours Sylvie. Tout ce que je peux faire, c'est dire, ben, tu vas être mis en initiation, puis il y a un mur qui s'en vient. Donc, n'est-ce pas de l'empathie s'inquiéter, c'est humain, justement. Justement, c'est pourquoi je désapprouve. Vous savez, ça ajoutera pas de l'énergie ou de l'intelligence de s'inquiéter jamais. C'est toujours une perte. Mais l'empathie, il y a une différence entre. C'est près de. Il faut. Bonsoir. Valila. Hein? Je voyais de loin, je voyais Vanilla. Vanilla. Donc, oui, c'est important d'avoir de l'empathie, la capacité de se mettre à la place des autres. Le problème, c'est quand on l'émotive, puis on tombe dans le psychologique émotif, puis on se met à avoir de l'inquiétude. C'est toujours une perte d'énergie, puis on ne peut rien faire de concret avec de l'inquiétude. Les gens qui sont mis en initiation au point où ils n'ont même plus la capacité de me rejoindre, ça ne me donne rien de m'inquiéter pour eux. Ça ne va pas changer rien. Ça ne va pas ajouter de l'énergie au dynamisme de tout ça. C'est moi qui en perds. Puis, j'ai un bout de l'observer, puis d'essayer de désamorcer ça. Mais quand ça s'étire sur le long terme, je vais être porté à aller voir, puis je vois que j'ai plus de nouvelles. C'est mauvais signe. Hein, pour la live, mais je dois retourner travailler. Bon, ben, à plus tard. Au revoir, Nathalie. En effet, il faut trouver une manière créative de faire. nos commentaires aux gens. Bon. Bonsoir de France, c'est l'heure, ça tombe bien en France. Bon, oui, ben, c'est après le repas. Je crois qu'en France, il y a des gens qui vont prendre le repas du soir très tard. Ben, vu d'ici, c'est très tard. Dans le sens ici, souvent, les gens, c'est vers 5 heures, 6 heures. Alors qu'en France, il y a des gens qui vont prendre le repas du soir à 22h30, 23h. Je ne sais pas, il faut être des fous. Tiens, bonjour. Côté. Moi, ça, je trouve ça drôle. Moi, co-détenu. Ben, co-détenu. On ne sait pas, peut-être que je travaille pour la prison. Une sorte de. Qu'est-ce que. Ce serait quoi dans ma job? Un aumônier, peut-être. Tiens, bonjour. Bonsoir de la Réunion. Bonsoir. Ben, justement. C'était lié à la Réunion, justement. La personne que j'ai plus de nouvelles, c'est sur l'île de la Réunion. Peut-être que si on vivait encore dans un monde dans lequel on peut circuler, j'aurais peut-être pensé à aller faire un tour sur l'île de la Réunion. J'ai toujours voulu voir les temples dédiés à Guandi, qui est sur l'île. C'est bizarre, ça. C'est pas très supramental de vous dire ça, mais bon. Hein, on a les mémoires qu'on a, hein, on a le parasitage qu'on a. Hein, vibratoirement, ça passe pas. Cette réponse, quoi. Est-ce que tu ferais une différence entre l'humain et l'homme? Ben oui. Mais oui. Mais certainement. Moi, je suis encore juste un humain. Je suis juste un être humain. Une créature faible, entre guillemets, là. Créature. Venez, venez. Ben oui, mais je peux pas. Le dictateur de mon pays me l'interdit. La crypto sera quand même la nouvelle notion de contrôle des finances et contrôle du matériel. On verra. Je me demande si c'est pas transitif comme forme, mais ça va vers du virtuel. On est dans une kabbalistikisation de la monnaie. Carrément. Puis, on sait d'où ça vient, ça, ces affaires-là. Hein? En tout cas, on a affaire à ce qu'on pourrait appeler des kabbalistes. Dans le fond, là, au fond. C'est pas pour rien que Christine Lagarde fait de la numérologie, puis. C'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. J'ai l'impression de vivre comme dans le temps de John Dee, là. Vous savez, là, le sorcier d'Élisabeth Tudor. Dans le temps de John Dee, là, puis Michel de Notre-Dame, là, puis de la Médicis, là, puis. C'est encore du monde de même. C'est incroyable. J'ai pas envie de. J'allais dire une chose pas fine. Like, ouais. J'allais dire quelque chose de pas ajusté. Ben là, c'est certain. Je suis allé aujourd'hui à l'épicerie, puis je viens de décourager de voir les gens. Là. Je commence à être tanné, là, les maudits masques. Il y a aussi une caissière que je connaissais de vue. Là. Quand c'était elle à sa caisse, j'allais la voir, puis elle est décédée récemment. Elle s'est fait frapper dans les rues. Voyons, toiture Pouliot, vous avez retiré votre message. J'ai pas eu le temps de le lire. C'est vrai que des fois, il faut enlever le vieux bardeau. Ben non, monsieur Pouliot, si des fois vous avez un mouvement de mettre quelque chose, mettez-le là. Comment ça, vous avez retiré votre message? C'est quoi ça? Voyons, monsieur Pouliot, c'est une entreprise familiale que vous savez. Faites ça avec votre garçon, ben peut-être vos frères, ou ben si vous êtes à votre compte tout seul. Ça m'a déjà intéressé, ça, les couvertures. Ce qui m'intéressait, moi, c'est les couvertures de, vous savez, là, de tôle, là, mais modelées pour certains édifices, là, comme les mêmes en cuivre, là, pour certains édifices patrimoniaux. Faut mesurer, puis après ça, il faut que ça soit coupé en atelier, puis après ça, c'est du montage, là. Mais j'ai le vertige. J'ai un petit problème de vertige. Quoique, même ça m'empêche. Des fois, je le sais que je suis pas dans le plan. Quand je dors, je sais que je suis pas dans le plan matériel. Je sais que je suis dans l'astral. Puis là, je voudrais m'élancer pour me promener dans les airs. Puis j'ai peur que ce soit pas un rêve ou une projection finalement, puis que je m'écrase sur le sol. Puis ça m'empêche d'aller voler. Le bardeau, le vieux bardeau, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce mot. Eh bien. Eh ben, moi, j'ai toujours appelé ça du bardeau. Même ici, dans mon coin, il y en a qui ont encore du bardeau de cèdre, là, vous savez. Moi, je connais juste Brigitte Bardot. Ah oui. Mais essayez donc d'y pas faire un traitement de la. J'allais dire quelque chose de pas correct. Je suis peut-être pas bien élevé aujourd'hui dans ce que je dis. Où puis-je acheter de l'or? Ben ça, vous vous informez, c'est assez. Ça, si vous êtes au Canada, au Québec, la plupart des services financiers vendent de l'or. Vous pouvez acheter de l'or à la Toronto Dominion. Vous pouvez acheter de l'or à la Banque Royale de Commerce, CIBC. Vous pouvez acheter de l'or même à Desjardins, même eux autres. Mais il y a aussi des gens pour. Tu bosses pas pour les os. Ou inconsciemment, d'ailleurs, j'y crois pas un mot avec le reste de croyances qui me reste, je vais pas gratifier pour l'intervention du 11 aujourd'hui, 44 bougies. J'ai de la difficulté à comprendre, l'alchimiste. Les os, les sceaux ou les. Bon, en tout cas, l'intervention du 11. Ah, l'affaire de. Oh, le 11. Ben là, ça n'a pas marché, leur portail, là. Bon, en tout cas, je ne sais pas de quoi tu parles. Bonsoir de la Réunion. Ah, Marie. Cette prise intéresse. J'ai tombé des gens de la Réunion. Ça me surprend, ça, de l'île. C'est un tout petit département, pourtant. Qu'est-ce qu'un gardien du seuil? Ah, un gardien du seuil, c'est quelqu'un qui va être là justement pour empêcher de franchir certains paliers, que ce soit un travail conscient ou pas qu'il fait. Comme par exemple, jusqu'à un certain point, j'arrive, il m'arrive, sans vouloir parler contre lui, de considérer, parce qu'à mes yeux, moi, je n'ai pas la notion des gardiens de seuil sur les plans. Mais moi, c'est les ceux qui m'intéressent, c'est ceux qui sont incarnés ici avec nous. Puis il y a certaines personnes comme qui animent certaines discussions, plutôt que dès que ça va franchir un certain palier, ils font redescendre le niveau. C'est comme s'ils étaient programmés pour empêcher de franchir certains. Oui, la crypto, sais-tu quel est le but de l'alchimiste? Oui, c'est la transmutation. Mais là, est-ce qu'on parle d'alchimie interne ou externe? La transmutation qui est différente de la transformation. Ici, dans les banques et la caisse, ben oui, rien à faire. 44 ans aujourd'hui. Ah, qu'il faut m'entretien en arrière, ce gardien du seuil. Quoi, vous avez essayé votre anniversaire? 44 ans, c'est jeune. C'est très jeune. Moi, je trouve ça jeune. Mais là. Est-ce que les intervieweurs des sujets supramentaux comme Payette, Glenn et les autres sont des gardiens du seuil? À mes yeux, non. Mais il y en a qui l'ont été après la mort de Bernard, ou dès que Bernard n'était pas là, jusqu'à un certain point, puis je pense que c'était pas conscient. La prise de parole du 11, tout y était. Ah oui. Ben, franchement, je me souviens pas vraiment beaucoup de tout. Lucifer est le prince des lumières, donc il est bon et conscient. Non, Lucifer est le porteur de lumière, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une lumière réflexive. D'accord? C'est pas une source de lumière. Vous comprenez? Pourtant, c'est pas si subtil. Quito, chez RBC, oui, RBC, ils en vendent. Il y a Toronto Dominion, ils ont des beaux lingots. Il y en a 10 onces qui sont très beaux. De toute façon, la plupart distribuent de la Royal Canadian Mint, que c'est les mêmes formats, là. Alchimie, à tous les niveaux. Si t'as des kilos, il va t'en falloir du temps pour transmuter. Bon, non, mais moi, c'est la transmutation interne qui m'intéresse. D'ailleurs, si vous prenez certains manuels d'alchimie, comme ceux de Basil Valentin, ou tout ce qui était très imagé, il s'agit souvent de codes et de métaphores, et souvent, ça n'a rien à voir avec les métaux. Et souvent, si vous regardez comme il faut les gravures, les alambics, les cornues, ça représente des organes du corps, et puis bon. Ça, je n'ai pas envie de tomber là-dedans, mais il y a, y a un côté de cryptographie lié à l'alchimie. C'est pour ça qu'il y en a qui ont perdu énormément de temps au-dessus de Tanner puis de d'autres instruments, alors que c'est leur estomac, là. En tout cas. Trading sur CMC Market. Bonjour des montagnes. Vosgienne, oh, dans les Vosges, c'est il y a beaucoup de choses intéressantes dans votre coin qui. Lucifer est-il le père de cette humanité? Je dirais plus que c'est une sorte de geôlier, un principe de domination, mais aussi un principe lié à l'intellect. Ça s'appelle la lumière réfléchie, la bifurcation. Ça vaut combien un lingot de 10 onces? Ben, un lingot d'argent de 10 onces, c'est autour de. Ça doit être autour de 460 piastres en ce moment. Un lingot d'or de 10 onces, là, on tombe dans plusieurs milliers de dollars. C'est plus de 10 000. En ce moment, là, un once d'or, c'est autour de 2 500 au niveau de la revente, là. Donc, 10 onces, faites le calcul, moins le. Vous en remettez un peu moins parce que vu que c'est tout d'un bloc, ça revient moins que séparément, mais ça commence à être. Lucifer et Belzébuth, c'est Satan. Il y a eu une affaire par rapport. Non, c'est des principes différents parce que c'est différents paliers. C'est différent. Il y a une hiérarchie, hein, inversée, si on peut dire. Puis Belzébuth, il y a eu beaucoup de. Ils se sont ajoutés certaines choses. À un moment donné, j'en parlerai là, de Gicolin de Plancy, puis d'autres qui ont créé une sorte de. Belzébuth, ça vient de Belzéboul. Belzéboul, dans certains écrits anciens, puis ça n'a rien à voir avec les mouches. C'est normal. Quand tu as un silence mental continu, tu zappes, j'ai pas zappé parce que j'ai vu l'autorité cosmique en action sans la colère ponctuelle et j'ai vu ce que je souhaitais s'incarner. Je souhaitais s'incarner, il n'y a qu'un problème ici. Mais bon, ça dépend de quoi on parle. Là. Disons que ça devient complexe. Il faudrait s'en parler en personne. Hein. À un moment donné, ça va arriver. Est-ce que tu repasses, toi, ta chemise? Non, j'achète du permaprest. Ce que j'achète, c'est du linge qu'il y a dans les magasins pour les travailleurs. Donc, c'est fait qu'on n'a pas besoin de le repasser. C'est pas des affaires. C'est pas moi qui va m'acheter des chemises en soie. Le but en voie sèche masculine, c'est de transmuter l'or, la lumière, t'en as du boulot sur ta plante. Je t'ai investi des kilos. Voilà des kilos. Merci. Je ne pensais pas que vous connaissiez les Vosges. Ben, la France m'intéresse. Ben, l'histoire de la France a toujours eu un certain intérêt pour moi. Mes ancêtres venaient étaient d'une certaine. En tout cas, c'est lié à mon histoire personnelle. Ben. Ancestral, on va dire la mémoire liée à mon ADN. Parce que mon premier ancêtre qui est arrivé ici était officier d'un régiment qui venait protéger. Bon, en tout cas, je ne pense pas que vous connaissiez les. Vous voyez, quel crédit donnes-tu à l'instruction donnée par Daniel Kemp? Daniel Kemp, je ne l'ai pas écouté énormément, mais à chaque fois, c'était correct. C'était correct. Puis même, il y a des choses que je le savais. Ah, puis en l'écoutant, je me dis, ah, ça, je le savais parce que lui, il l'a descendu. Mais il y a certaines choses, des fois, que je trouvais que c'était bon. Mais non, j'ai rien à dire. Daniel Kemp, là, après Bernard, je trouve que c'est pas mal ce qui vibrait le plus haut, là. J'ai moins de difficultés à écouter Daniel Kemp que d'autres. Comme, c'est drôle, j'ai pas. Initiation astrale, tu peux développer. L'initiation astrale, ça va être lié à la spiritualité. Comme les gens qui vivent des phénomènes comme le Padre Pio, là, qui se battait avec des chiens, qui se matérialisaient dans sa cellule de moine. Là, on peut parler d'initiation astrale. Ou les schizophrènes, on peut parler d'initiation astrale, les souffrances qu'ils vivent. Attention avec la chatte d'or, ne pas se. Contenter de la paperasse exigée. Oui, l'or papier, moi, à mes yeux, ça ne vaut absolument rien, à moins que vous voulez spéculer, faire de l'argent, pour ensuite investir dans du physique. Eh oui, je ne ronge plus cette patience, le contact a été établi. Il reste à le tester. On va tester ça à un moment donné, si vous voulez. Quel livre avez-vous le plus aimé? Ben, comme ça, je ne sais pas, je ne pourrais pas dire, bien franchement, là. Quel livre j'ai le plus aimé? Il y a une différence à mes yeux entre aimer un livre, puis les livres que j'ai plus lus, c'est pas par amour nécessairement au niveau formel de l'écrit. Mais la jeunesse de Bernard, c'est dans les livres que j'ai le plus lu. Mais c'est étrange. J'ai beaucoup aimé ce qui a été écrit par Okorowicz, le Polonais Okorowicz, le médecin là, du début du 20e siècle. Puis il y a un autre médecin, un français, mais je me souviens plus. J'ai plus mes livres avec moi, c'est tout entreposé. Souhaitez-moi joyeux 44 bouts aujourd'hui. Le temps qu'on le voit, et oui. Je ronge plus cette. Ah bon, je l'avais vu, ça viendra quand ça viendra. Est-ce les chiens qui se matérialisent pour Padre Pio ou bien est-ce Padre Pio qui changeait de continuum temporel? Ben, ça revient à ça, une matérialisation, c'est une densification, donc. Puis c'est, ça va se servir de la perception de. Donc, qu'est-ce qui. Là, au niveau des phénomènes, on peut parler de c'est pas différent de d'autres phénomènes spiritoïdes, comme ceux qui faisaient du spiritisme, puis qui avaient des matérialisations. C'est parmi les mêmes principes là, de densification. Il y en a un Polonais, je ne me souviens plus de son nom. Lui, pendant les séances en lumière rouge, il y a des animaux qui se matérialisaient. Puis au point où on a pu les peser. Puis, donc, puis lui, je considère que c'est un cas authentique, mais je me rappelais plus de son nom. Ça a été étudié, ça, dans les années 1900, début 1900. Puis ce Polonais-là, c'est vraiment incroyable les témoignages des scientifiques et des gens qui étaient présents. Mais à mes yeux, ce que je reconnais l'authenticité, c'est l'odeur d'ozone qui est décrite dans la pièce. Mais ça a une odeur, hein? Et certaines matérialisations sentent le soufre. Là, ça, c'est pas bon signe. Donc, que croyez-vous de la décroissance de notre société prônée par une partie des écolos? Ben, moi, je suis contre. Ben, dans le sens que je suis pas très à ce niveau-là d'idéologie, là, à mes yeux, là. Non, c'est de la déconstruction dans le but de reconstruire autre chose à l'idée de ce que certains ont décidé, puis il y en a qui sont des idiots utiles là-dedans en propageant certaines idéologies basées sur de l'angoisse et de la crainte. Donc, c'est ce que je pense, là. En tout cas, je suis pas très, faut que je fasse attention à ce que je dis. Mais non, c'est une déconstruction de la civilisation basée sur. Non, c'est de la manipulation, à mes yeux. Donc, pour voir les autres plans, c'est de l'initiation astrale, ça dépend des autres plans. Mais c'est toujours de l'initiation. J'ai vécu en Guyane et j'ai vu l'investissement grandir au niveau des mines. Pour cette fois, les lots pourront pas raser les montagnes sacrées de ces peuples au bord du fleuve. Moi, j'ai bien de la misère avec la notion de sacré. Ces peuples-là, à un moment donné, il va falloir qu'ils sortent de leur animisme originel. Puis qu'ils évoluent eux autres aussi de force, avec violence. Dans le sens que ça sera pas le fun. Je le vois ici, là, on a des autochtones, là. Ceux qui vont survivre à toute la souffrance psychologique vont être beaucoup plus forts que leurs ancêtres. Mais là, moi, la notion de sacré, puis d'ailleurs, la Guyane a attiré toutes sortes de. J'aime juste le. Prenez Jim Jones, c'est là que ça s'est passé. Hein? Jonestown. Pourrais-tu commenter sur le passage de la Genèse du réel, page 751, où Bernard commente sur le fait que l'homme nouveau ira à une demi-journée de marche sous terre, chercher son double éthérique. Ça, j'avoue que ça fait partie des choses que Bernard a laissées, que je me dis, OK, canalisé, il parlait, puis je me dis, peut-être qu'au niveau du discernement, on le saura quand ça arrivera. C'est difficile d'interpréter des choses comme ça, mais oui, je me souviens de ça. Puis j'avais trouvé ça bizarre. Ça fait partie des choses que. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, commenter ça, moi je ne l'ai pas vécu. Donc, est-ce que les travaux de Grigori Grabovoi dont tu parles? Non. Non, je ne sais même pas c'est qui ce monsieur. Il y aura bien un jour où nous entrerons en syntonisation au-delà des influences astro-illogiques. Ben, ils ont leur propre logique. Chaque plan a leur illusion, puis ça là, c'est enfermé dans une logique en circuit fermé, mais puis c'est après ça, c'est en interaction avec d'autres linéarités. Mais vu d'un plan, tout est toujours logique pour ce plan-là. Donc, illogique. Moi, je suis pas dans dans le ratio au sens de rationnel intellectuel, donc illogique, là. Le réel, c'est bien illogique pour un intellect, hein? Oui. Ultimement parlant, c'est d'aller sortir, j'ai vu cette forme, ça prend. Ben oui, on ne pourra pas vivre comme des chasseurs cueilleurs, là, ça est supposé être intégré, ça. Donc, il y a des survivalistes qui risquent de même pas pouvoir mettre en pratique ce qu'ils ont appris, parce que ça va prendre tellement des formes surprenantes qu'ils vont se rendre compte que c'est pas, en tout cas, crypto ou crypto-encodage de l'eau, du corps via l'émotion, alchimie, voire la mémoire de l'eau induite par la pensée. Oui, le docteur, je suis un médecin, lui, émoto. Mais oui, l'alchimie interne est liée à la fréquence des composantes du corps, entre autres, puis c'est vibratoire. Donc, c'est là que la plus belle des alchimies, ça serait quelqu'un qui atteindrait la transfiguration au niveau de la transmutation suprême, le grand œuvre. C'est un peu comme le Christ, là, au troisième jour, qui est transfiguré, puis bon. Mais là, c'est loin un peu, là. Moi, je pense pas vivre ça. J'ai de la misère à contrôler mon acidité gastrique. Ultimement parlant, le néocolonialisme va leur permettre l'individuation de conscience au niveau des peuples tribaux avec les. Oui, parce que c'est de la souffrance expérimentale, qu'on évolue de force collectivement. Donc, avez-vous déjà entendu parler de Jean de Dieu, près de la région du Brésil? Pouvez-vous me développer ce qui s'est passé? Ah, je sais pas. C'est pas un médium, ça. Il me semble que c'est une espèce de mystique médium qui immatérialisait pas tout le monde. Je sais qu'au Brésil, il y en a eu un, là. Non, c'était un autre. Il matérialisait des formes humanoïdes, là, des gens. Puis après, un médecin pouvait prendre leur pouls. Ça aurait été fait devant le public, mais là, je n'étais pas là. Je sais ce que c'est. Bon, on ne sait pas, hein. Et oui, mais chasseur cueilleur avec la conscience, ce sera un moyen de prendre. Elle m'a quitté tout à l'heure, il y a pas. Moi, j'ai une dame que j'ai connue qui a canalisé qu'à un moment donné, les gens se sauveraient dans les bois. Puis moi, ça ne me tente pas. Il n'est pas question que je régresse à une vie comme ça. Ça ne m'intéresse pas. J'ai des chemises pas chères que j'ai pas repassées, mais j'ai pas envie non plus de vivre comme un coureur des bois. Donc, bon, un petit côté bourgeois aussi, que j'ai jamais réussi à me défaire. J'ai jamais réussi à me défaire de cet aspect-là, moi. Tu consommes beaucoup de protéines avec du vinaigre? Non. Je suis pas quelqu'un qui a des goûts très carnés. Non, ce qui arrive, c'est que j'ai un métabolisme étrange. Puis peu importe ce que je mange, je produis de l'acidité. J'ai un pH vraiment particulier, au point où j'ai peur à désinfecter mes plaies. Mais si je touche de la levure, elle meurt. J'ai eu un cours de boulangerie et je ne peux pas faire de pain. La levure meurt. Donc, bon, au moins, ça a des vertus antiseptiques. Je sais que je n'aurai jamais une infection, au moins. C'est pas. En tout cas. L'acidité gastrique, tu l'as dit dans une vidéo que je viens de. L'instar de la forêt à des camps. Très libre, probablement. La peur, non. Moi, ce qui me fait faire de l'acidité, que je vais, mon estomac va devenir très actif, et c'est le stress. J'ai du stress ces temps-ci. J'ai fait une erreur hier. J'ai voulu acheter un très grand nombre d'actions à 0,085. Imaginez-vous donc que je suis allé écrire 0,85 cents. Mettez ça sur plusieurs milliers, là, puis vous allez voir que j'ai vraiment fait une grave erreur parce que j'étais pas présent. J'étais pas présent, puis en même temps que je pensais à ça, je pensais à d'autres choses, puis j'ai déplacé la virgule. J'ai déplacé la virgule. Puis ça représente pas mal. J'étais pas de bonne humeur. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, je suis pas de bonne humeur. Ah, je me rendais même pas compte, vous voyez. Puis je me vois même pas, c'est mon corps hein, qui agit sans que je m'en, en tout cas. Le stress, l'appréhension, ne pas mettre ses oies, mais à un moment donné, il faut jouer avec ses oeufs. J'ai pas le choix, il faut que je sois aussi dans le mouvement. Puis là, donc, c'est en faisant des erreurs qu'on devient plus présent. Hein? Bon, tu jouais de la musique, quel instrument? J'aime beaucoup les instruments à clavier, mais j'ai aussi appris le violon, étant plus jeune, puis que j'ai délaissé vers l'adolescence, puis les instruments à clavier. J'ai toujours eu de l'intérêt pour les instruments à clavier à cause de l'aspect très mécanique, puis la capacité de faire des structures plus complexes. Donc, j'aimais beaucoup le clavecin, qui est un son tellement précis qu'on peut faire des structures extrêmement complexes, puis ça reste, la structure est très claire. C'est une prononciation très claire. Je voyais ça comme un phrasé, puis l'ornement comme des roulements de R. C'est une façon de parler. As-tu exemple d'utilisation du cristal de roche? Non. Moi, je suis pas fort là-dessus, les petites roches. Je considère que nous sommes notre propre cristal, que nos centres sont des cristaux et que tout le reste qui est extérieur est un support de compensation. Ça, c'est mon opinion. Donc, puis d'ailleurs, les gens qui vont beaucoup dans des magasins, là, Nouvel Âge, acheter des cristaux, puis ils ont souvent une vibration que j'aime pas. C'est pas eux que j'aime pas, c'est leur vibration. Ça, c'est astral à mes yeux. Donc, mais si on peut s'en servir comme le quartz pour des batteries, des choses comme ça, mais à part ça. Donc, c'est cool, là. T'as permis de lâcher prise sur les pécuniers. Ben oui, ben, je n'ai jamais été totalement sous l'emprise du pécunier. D'ailleurs, on dit pécuniaire. A-I-R-E, c'est invariable. Il n'y a pas de masculin ni de féminin. Le pécuniaire, comme ferroviaire. A-I-R-E. D'accord? Mais là, d'habitude, je n'accroche pas sur le français comme ça, là. Monsieur Darkimist, il fait sortir en moi une espèce d'orgueil intellectuel. Mais pas trop quand même. La juste mesure dans le jeu. Vous voyez? Ben oui, mon père avait des problèmes de jeu, puis je le trouvais tellement irrationnel. C'est pour ça que je ne serai jamais un joueur autant que lui l'était. Mais ça m'arrive des fois de me tromper, puis pas mal, là, je veux dire, là, dernièrement, là, j'étais pas content. Mais ce que je perds, ça revient vite. Puis j'ai toujours plus de. Mais là, dernièrement, je commence à regarder ça autrement. Des fois, je pense à refonder encore une maison d'édition. Les orgonites. Je me suis jamais penché sur ça. Ces choses-là. Tout ce qui est médecine parallèle ne m'a jamais vraiment intéressé. Peut-être à part les Chinois. Mais j'ai une vision de la médecine qui est presque 19e siècle. Même au niveau de me soigner moi-même, me soulager moi-même, je vais être porté à des choses comme les liniments, des choses comme ça. Donc, je ne suis pas de bons conseils là, pour la. Tu penses que notre vie est déjà écrite de A à Z dans les moindres détails? Non. Je pense qu'il y a différents scénarios possibles et que dépendamment de. Bon, il y a moyen de briser la programmation, c'est ça les scénarios. Donc, si l'intelligence artificielle te demande, suis-je intelligent? Ben, moi, l'intelligence artificielle à date me demande rien. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. C'est pourquoi l'énergie libre sur cette planète, ben, c'est déjà là. Il s'agit maintenant de. Bon. Ben, c'est pour quand vous voulez dire au large? Ça, je ne sais pas. Tant qu'il va y avoir des gens comme on a qui gouvernent, c'est pas pour tout de suite en tout cas. Les jeux de miroir, mise en vibration, orgon. Suis-je là pour échanger? Orgonite, ben je sais pas moi, vous êtes supposé savoir pourquoi vous êtes quelque part. Qui est là? Orgonite. Un bonsoir d'Alsace. Oh. Ça faisait partie de l'Allemagne il y a longtemps, ça. Me semble bien. C'est des énergies. Bon. J'ai connu quand j'étais plus jeune une dame qui venait d'Alsace-Lorraine, puis je la conçue, même si elle était parfaitement francophone et français, je la considérais comme germanique, cette dame-là. C'était évident qu'elle l'était. Mais bon, Mais c'est des belles, des beaux coins. C'est des menhirs plus perfectionnés, quoi, les cristaux. J'ai fait des expériences, vous savez, avec des cercles de pierre. J'ai moi-même fait venir une pelle quand j'avais une maison et un terrain, une grosse pelle de 20 tonnes. Et il y a des, j'ai fait placer des pierres en cercle. Ça faisait près de 16 mètres de large. Et j'ai pu constater, en tout cas, j'ai pas envie de. L'autisme est une spécificité qui recentre ou qui descendre. J'imagine que c'est du cas par cas. Mais c'est délicat à hein, se pencher sur ça. Ce que j'en pense vraiment de l'autisme, les gens ne seraient peut-être pas contents de ce que j'aurais à dire sur ça. Parce que il y a des gens qui ont décidé que dans le futur, ça prenait une race d'esclaves plus perfectionnée, plus. Vous savez, là, qui sont tatillons, puis bon, en tout cas. C'est pas au point, là. Une fois monté avec des métaux, on fait comme le coup, tu peux annuler les effets des chemtrails localement. Ben, c'est pas les mêmes choses que partout. C'est pas homogène, là. Ici, ils font pas de quadrillés. Donc, oui, à une certaine époque, je vois pas à quoi vous faites référence, mais gardez une neutralité face aux aspects extérieurs. Ouais. Le problème, c'est qu'ils sont sous l'empire des sens. Je sais pas de quoi tu parles, là. Oh, je pense que c'est encore quelqu'un qui me parlait des autistes. La régence planétaire, tu peux en parler? Ben oui, mais je parle presque juste de ça. Surtout depuis 2 ans. Donc, sérieux, faire venir une pelle de main, ça, l'esprit créatif. Ben oui. Il fallait que je fasse égaliser le terrain de toute façon, puis les gars avaient encore du temps. Je dis, vous voyez les grosses, grosses pierres dans le fond là-bas que vous avez sorti du terrain, là. Vous revenez demain matin. Bon, ben, pendant la soirée, là, j'ai délimité où je voulais qu'ils les mettent. Non, j'ai pas fait venir pour ça. J'ai été créatif dans le mouvement, c'est-à-dire que j'ai vu que j'avais la possibilité d'en faire un cercle monolithique. Donc, j'en ai fait un. Mais le jeune homme qui a racheté la maison après moi, il a fait tout enlever ça parce que ça se voyait de la rue, là, même si c'était en campagne, les gens regardaient ça, demandaient bien quel fou habitait là. Et c'était tout un fou qui habitait là. Mais là, il est venu quelqu'un de plus normal qui a fait enlever ça. Donc, intéressant l'histoire de la pelle mécanique. Qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté une différence entre les végétaux qui poussaient à l'extérieur du cercle et ceux qui poussaient à l'intérieur. Et j'ai constaté une augmentation de certains phénomènes dans ma maison qui était à quelques mètres du cercle. Puis, toutes sortes de choses comme ça. Puis même, j'ai eu des phénomènes ufologiques. Toutes sortes d'affaires. Ça a été spécial. Je vous avoue, là, cette année-là, là, j'en ai pris pour mon rhume. J'ai vu pas mal d'affaires. Puis ça fait un bout de temps de ça. Puis c'est une année où je me suis séparé de ma conjointe de ce temps-là. J'ai dû vendre ma maison. Je l'ai payé cher, mon expérience. La théorie et la pratique qui fusionnent. Ben, dès qu'il y a de la pratique, techniquement, il y a de la théorie. Il peut y avoir de la théorie sans la pratique, mais il ne peut pas avoir de pratique sans théorie. À moins que ben, c'est de la théorie qui se construit à mesure des fois, parce que mais d'une certaine façon, il va tout avoir un aspect intellectuel du mouvement au niveau de quelqu'un de réflexif. Donc, c'est les bouchons des avions militaires sur les différentes strates de l'atmosphère. Vous savez, mon père a travaillé dans des choses comme ça. Bon, en tout cas, il m'en a conté des choses que. Bon, le pire, c'est qu'à l'époque, je pensais qu'il me contait n'importe quoi. En tout cas, en Europe, Nabucodonosor, ça passe la gueule, je suis de l'Eriop programmé, je ne sais pas de quoi tu fais référence. Nabucodonosor, là, le roi qui mangeait de l'herbe. En tout cas, finalement, as-tu connecté avec ta partie féminine? Non. Non, ça s'est jamais fait. Je ne sais pas ce qui serait arrivé. Je ne sais pas du tout ce que ça aurait fait. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si tout le monde avait une contrepartie comme ça sur les plans. J'ai demandé intérieurement, puis ça me disait qu'on n'est pas tous incarnés de la même façon. Je Donc, je sais, je pense que c'est aussi du cas par cas, mais que c'est un phénomène type quand même. Donc, la semaine de cette montée, Kundalini. Moi, ben, toutes les personnes que j'ai connues qui avaient eu des expériences avec une montée de la Kundalini, c'était souvent des gens spiritualisés, beaucoup qui étaient passés par du spirituel. Donc, moi, je préfère les gens qui ont vécu une descente par les vertex que d'une montée par l'interne parce que il y a quelque chose d'involutif à mes yeux pour moi là-dedans. Donc, mais j'ai déjà vécu des phénomènes qui sont semblables ou semblaient, mais j'ai toujours bloqué ça parce que, bon. J'aime pas, j'ai quelque chose en moi d'un dedans profond pour ces vieilles méthodes-là, qu'on pourrait dire liées à la voix de la main gauche. Que pensez-vous du mariage, l'engagement? Oh, c'est du cas par cas. Si je le regarde pour moi, je veux rien savoir de ça. Ça m'intéresse plus pantoute. J'ai assez souffert de même. J'ai intégré le fait que non, il n'y en est pas question. À moins qu'il y ait une dot, là, non. Pas ça, c'est une farce. Jamais eu de relation avec une exogène. Qu'est-ce que c'est ça? Vous voulez dire quoi par là? Ah, oh, ok, là, ça vient de me. Non. Persona non grata. Dans les bacs, 12 précommandes, dispo, liberté provisoire, que c'est ça? Bon, ça a l'air que. Sorti en physique, faites entrer le crime. C'est-tu quelqu'un qui me fait de la pub, ça là? Persona non grata. Moi, ça se peut que ça finisse dans même si c'est de la pub. Que c'est ça? En tout cas, clip disponible. Ah, oh, je suis quelqu'un qui vient. Bon, bah pourquoi pas? Tu as la tête de quelqu'un qui fume. Pas du café, comment ça se fait? Ben moi je fume plus. Puis comment ça? Quoi? Comment ça se fait? Hey, Bernard, il fumait comme une cheminée, vous ne l'empêchez pas d'être plus allumé que toutes les bonnes femmes de produits naturels puis de Madame Garano là, de la province. OK? Puis chacun intègre son énergie comme selon sa programmation à lui. Fait que le monde qui fume, c'est pas grave. Si c'est sont rendus là dans leur vie, puis c'est ça leur programmation, ça les empêchera pas d'être intelligents, d'intégrer nécessairement. Il y a peut-être par contre les fumeurs de potes là, que j'aime moins. Bon anniversaire. Oups, bon, je vois au moins ce monde qui rit. Je sais pas si c'est monter ou descendre. Je fais référence à. Ok, la Torah, Bible. Père militaire. Pour te mettre en colère, il y a des résidus de droiture. Ben oui. Qu'est-ce que c'est un problème avec la droiture? C'est les tout croches qui n'aiment pas la droiture. Non, mon père, il a pas été militaire longtemps. Il était pompier militaire. Ben, il a fait son service militaire, puis après, il a été pompier sur les bases d'entraînement. Puis, à un moment donné, il m'avait raconté qu'il y a un Américain qui s'entraînait. Il était arrivé, revenu avec le jet. Puis, vous savez, la coque en plexiglas très épais qui est sur les avions de chasse, c'était tout blanc. Il avait fait un signal qu'il y avait le feu, lui, dans son affaire. Puis, quand il a ouvert ça, mon père il me dit, on a vu un nuage de boucan. C'était un technicien mécanicien qui avait laissé un chiffon avec un produit chimique dedans. Puis, ça avait chauffé. Puis, ça avait fait de la boucane dans le cockpit. C'était juste ça. Mais mon père, cette fois-là, il avait eu peur de sauter. Bon, en tout cas. Comment ça se fait dans le sens où tu bois pas de café, que tu fumes pas? Ben oui, j'en bois du café. À cette heure-là, des fois, j'en bois encore. Mais c'est surtout le matin. Mais moi, j'aime beaucoup le café. C'est mon fruit préféré. Un petit fruit. J'ai toujours voulu goûter la petite chair rouge qui est autour des grains. Avons-nous le libre arbitre? Ça dépend de quoi on parle. Dans quelle mesure on parle, sur quel plan on parle. Sur le plan intellectuel, comme on le conçoit, on a un libre arbitre subjectif mécanique lié à la mémoire, puis à des lois psychologiques. Donc, est-ce que c'est réellement un libre arbitre? C'est là où. Pourquoi refuses-tu l'injection? C'est pas tes affaires. pourquoi je la refuse? Parce que je la refuse, c'est tout. Pourquoi? Parce que ça me dit de pas l'apprendre. J'ai pas la vibration de l'apprendre. Donc, pompier militaire, elle a pas manié les armes. Ben oui, aussi, quand on fait son service militaire, il faut... De toute façon, il a pas été juste militaire. Après ça, il a fait un autre métier où il fallait manier des armes. Donc, non, il y a tout le temps eu des... Je me rappelle, mon père, il arrivait de travailler, puis il mettait... c'était les, vous savez, les gros fusils 6 coups là, qui peuvent fracasser des moteurs de camions, puis mettre ça sur la table là, pour manger, comme si c'était des clés. Ouais. Puis, mais il voulait m'amener des fois au chantier, mais j'ai jamais voulu tirer. J'ai jamais été attiré par les armes à feu. Mais lui, il a toujours eu une arme, son arme de service. Faire un des kawas sacrés, toi. Je vais m'en faire un des kawas sacrés. Je comprends pas, mais c'est pas grave. Café et acidité pour faire l'affaire ensemble. Oui, mais même si j'en bois pas, je vais faire de l'acidité quand même. Donc, j'ai un métabolisme comme ça, d'être très acide. Donc, j'essaie de... Je vais manger des choses très... Bon, tout court. Ma digestion n'est pas très importante. Hein? Arrêtez, là. Ça va faire. Existe-t-il une justice réelle sur la Terre? À mes yeux, non. Donc, il existe une justice mécanique, mais la justice réelle, c'est de la justesse, puis comme l'être humain subjectif. Bon. Je parle pas du vax. Ah. Ben là, je vois pas que je pourrais me faire injecter d'autres. Ça te dit de pas l'apprendre ici? Tu te demandes pourquoi pas l'apprendre, ça te dit quoi ensuite? Ben moi, c'est au sens d'une vibration. C'est ça que je veux dire. J'ai pas la vibration de l'apprendre. Je vais pas mettre... Bon, le téléphone de l'autre qui sonne, tabarnan. Ça se peut que je mette fin au live, là. Voilà, maudit que j'haïs cette machine-là. Incroyable. Homme électrique en bas et magnétique en haut. Femme magnétique en bas, électrique en haut. Elle rappellera. La loi du retour se fait comment? Au niveau du karma, vous voulez dire? Ben, c'est mécanique. Moi, mes yeux, c'est mécanique. C'est lié aussi à des lois de l'âme, entre autres. Mais l'énergie, ça ressemble un peu aux lois de la thermodynamique. Dans le sens, l'énergie ne peut pas disparaître, il faut qu'elle se transfère. Des fois, les certaines lois mécaniques vont faire que ça revient. Parce que, vous savez, c'est comme ce qu'on appelait anciennement, là, la loi de... Vous savez là, que si on faisait un sort à quelqu'un, que ça revenait par trois fois, oui, parce que ça peut s'amplifier en revenant, mais c'est si ça n'atteint pas la cible. Mais là, c'est peut-être à un autre niveau. Je suis un petit peu déconcentré, là. M'excuserai. Café, t'as pas sacré réellement droit. J'admire pas ta droiture, je l'ai pour exemple. Ah bon. Ben là, encore là, là. À un moment donné, ça serait le fun de pouvoir genre discuter librement sans qu'il y ait des. Sans qu'il y ait une personnalisation binaire. Parce que c'est pas ajusté. C'est pas ajusté. Oracle Janie, ça sonne dans la forme, ce détail. Il faut dire que c'est. Pas de tes affaires, ça me fait rire quand tu réponds ici. Ben oui, mais là, 200 mots, c'est limité. Ben oui, mais c'est pour ça la forme du chat, c'est pas fait pour... on n'est pas dans... C'est pas comme... on est, c'est pas une joute oratoire, là. J'aime, c'est pour ça que j'aime ça aussi, c'est rapide, et puis... c'est quoi qui te déconcentre? Ben, il y a un téléphone là, qui a sonné, là. C'est pas à moi, j'en ai jamais eu de... cellulaire, là. Puis, je sais pas s'il va y avoir une discussion dans une autre pièce, puis là, je suis obligé de mettre fin au direct, donc oui, ça me déconcentre un peu. Confessez-vous, Philippe Argili, le Rassemblement des droits de l'homme en France. Connaissez... Ah, ben ouais. Ben là, je connais la Déclaration des droits de l'homme, ces choses-là, mais Philippe Argillier, non. C'est un tout micro que tu as là. C'est un beau micro, ouais, il fonctionne très bien aussi. C'est pour ça que des fois, je me dis, je vais mettre fin au live là, quand j'ai de la visite ou qu'il y a des gens qui discutent à côté. Bon, ben, c'est quand tu voudras. Pas de téléchange de voir ce qui sort de réel. Ben, c'est que c'est très au niveau du chat, là, puis de sujets qui me sont proposés, puis tout, des fois, c'est pas juste pour élaborer parce qu'il y a beaucoup de monde. Puis je passe rapidement d'un sujet à l'autre. Donc, peut-on évoluer seul dans la centricité? Ou vaut-il mieux connaître quelqu'un qui y est déjà? Je dirais que c'est du cas par cas. Ça dépend où les gens en sont. Mais je sais que de s'isoler, c'est pas bon. Il peut y avoir des phases où on s'isole pour intégrer, mais il va toujours avoir un mouvement qui va faire en sorte de retourner. Joue-tu à des jeux vidéo? Non! Non! Non, pas du tout. Puis j'ai beaucoup de difficultés avec la vibration de ceux qui s'adonnent énormément à ça. Je trouve qu'il manque de toutes sortes de choses. Faire abstraction du voisinage. Je ne peux pas en faire abstraction, voyez-vous, parce que s'il se déclenche, prenne-moi une discussion privée, j'ai pas le choix de mettre fin. J'ai pas le choix de mettre fin au live parce qu'après, bon, ben, c'est des choses que j'ai pas à mettre ça sur Internet, vous voyez. Allez voir les vidéos de Philippe Argélie. Ah bon, ben, je pourrais aller voir, mais ben franchement, c'est rare que je vais. Je travaille en dilettante, créer un espace d'échange. Moi, en dilettante, puis même là, est-ce que c'est un travail? Dans le sens que il faut que ce soit naturel, le mouvement. Déteste les jeux vidéo, moi, ben oui. Ah oui, j'ai peint beaucoup de difficultés avec ça. À mes yeux, ça fait partie de la cristallisation de l'astral dans le virtuel au niveau des sens. Dans le sens que ça fait partie des corruptions au niveau de la perception. Un peu comme Bernard avait beaucoup dénoncé la musique rock. Puis même là, je trouve que les jeunes de notre époque sont bombardés, ils sont saturés d'informations virtuelles inutiles. Leur sens, on utilise leur sens pour les détourner leur énergie. Leur faire des mouvements inutiles, les emprisonner dans des... Puis j'ai toujours pas mal eu cette opinion-là sur les jeux vidéo. Là. Mais comme Bernard avait dénoncé la musique rock, puis ben franchement, là, je pense que ça peut couper d'un contact interne. Ça fait partie des influences. Ça fait partie des influences, puis ça vibre bas. Donc, bon, je m'étais attiré par là. Ben, plus jeune, oui. Quand j'avais 7-8 ans. Mais dans mon... ça commençait, les jeux vidéo. Là, jouer à Pong. C'est Pong, c'était deux. Avec toc, toc, toc. C'est moins pire que des jeux vidéo comme ils font en Corée du Sud, là, puis au Japon, là, avec il y a tout là-dedans. Là. Il y a même la grosse musique, les couleurs vives qui surstimulent le système nerveux. Puis il y a aussi en parallèle toutes les mêmes influences que dans la société, au sens que là-dedans, c'est souvent lié. Il y a de la violence, il y a de la sexualité, il y a de la drogue, c'est des vibrations de merde. Désolé, là. Donc, moi-même, les pubs me perturbent. Ça me manque, Chris. Ben, moi aussi. À part la Madame Unstoppable, tu sais, qui danse avec ses cochonneries là, chimiques qu'il faut mettre dans la veuse, là, je la trouve drôle. Bon, bon. Pas à fond. Avec un juste milieu pour quelqu'un qui est encore doublement sous l'influence. Mars, Pluton, Scorpion. Ouais. Mais vous savez, là, l'être humain. L'homme va se rendre compte que toute influence le détourne de sa propre lumière ou est d'un détournement de sa lumière. La définition d'influence va changer un jour. Donc, mais là, je dis ça comme ça parce que je le sens de le dire comme ça, là, mais la pornographie aussi. Jamais de pornographie étant adolescent. Ben oui, j'étais un adolescent comme les autres. Là. Vous savez, là... J'ai pas grandi là, dans une cellule de dominicain. Là. De toute façon, c'est encore plus malsain que la pornographie. Mais Dans le fond, là, que vous voulez, c'est pas important mon parcours. Voyons, là, c'est comme Bernard, là, ou n'importe qui, là, Daniel Kemp, où ils ont eu des vies normales. C'était, je veux dire, étant jeune, là, un humain, c'est un humain. Oracle, j'en ai. C'est une affirmation, oui, ça crée une dépendance. La pornographie, moi, sûrement, ben, ça doit dépendre du monde, là. Là, c'est sûr que si ta femme est couverte d'eczéma, puis je sais pas, là. Il y a des cas par cas encore. Il y a des prédispositions, possiblement, là, liées à l'environnemental, pour que ça devienne une dépendance, parce qu'il faut le faire, là, je veux dire, c'est pas comme de l'héroïne, là. Mais Bernard a fait un enregistrement sur la pornographie où il expliquait que c'était lié à de la programmation par rapport à des événements que la personne sous cette influence-là allait vivre plus tard, puis qu'il était quelque part du réjus là-dedans. Mais là, ça dure longtemps, là, son enregistrement. Une cellule américaine, ça a l'air exotique. Ben, c'est un des ordres que j'aime pas, là, les Dominiquais. J'ai encore des vieilles mémoires, moi, de chicanerie. J'ai encore des vieilles mémoires de colère liées à des groupes, à des cultures, à des races. C'est comme, j'ai beaucoup de misère avec les. J'ai une grande affection pour les Han, puis j'aime pas les Manchus. Puis c'est une mémoire qui semble très profonde chez moi. Puis c'est émotif, là, chez moi. C'est lié à des vieilles mémoires. Comme je l'ai dit, j'ai une haine des Dominicains. J'ai puis pas en tant qu'individuellement, mais le collectif de ce qu'ils ont été. Puis j'aime pas les Jésuites non plus. Puis bien, j'ai des problèmes avec des mémoires comme ça. Très, très fortes. Très, très fortes. Même des personnages historiques que je déteste ardemment, comme Élisabeth Tudor. Je déteste cette femme. À mes yeux, c'est un démon incarné. Puis c'est une vieille mémoire que j'ai. J'arrive pas à m'en défaire. J'ai une haine. J'ai une haine de ça. Je suis mieux de pas embarquer dans des choses comme ça. Mais il m'apparaît pas en ces problèmes-là. Quels sont les responsables de la programmation? Car c'est pas moi. Là, ça, c'est ce qui se passe sur les plans. C'est pas vous en tant qu'ego, mais avant l'incarnation, on participe à nos programmations futures au niveau de l'incarnation, c'est-à-dire les bases structurelles à laquelle va être liée l'expérience. C'est-à-dire, il y a une certaine lecture des archives avant de descendre. Mais là, ça, c'est des mots. Ça vaut de là des mots, ces choses-là. Donc, quand je reçois ton poste, mon profil est en couleur. Bon, je ne sais pas à quoi vous faites référence. Pour les courriels, ça fait un bout de temps, je ne suis pas allé. Mais Darkemist, tu es la dernière personne à qui j'ai écrit, je pense. Ça fait un bout de temps, je pense que ça fait 2 semaines. C'est juste que ça apparaît pas sur mon écran. Oh, bon. Les responsables, ultimement, c'est nous. C'est parce que dans le c'est nous, il y a quelque chose d'égoïque au niveau d'une identification à un moi psychologique. C'est là où, parce que la responsabilité, c'est une notion psychologique. Donc, il y a de la subjectivité, là. Si nous sommes à la base et à la pointe, moins. Mais ce qui est à la base n'est pas comme ce qui est à la pointe. C'est fait partie de la multidimensionnalité. Donc, on choisit ses parents. Ça, encore là, on n'est pas tous incarnés de la même façon. On n'a pas tous la même mémoire d'âme. Je pense que des gens se font assigner leurs parents. Il y en a. Donc, l'affaire de choix des parents, comme un choix de l'âme avant l'incarnation, j'ai la misère avec ça un peu. Donc, a-t-on un double féminin, un double masculin? Le double est au-delà des genres. C'est pas genré, un double. Il faut s'incarner pour avoir un genre. Après, il va avoir au niveau de l'astral des entités masculines et féminines. Mais le double, c'est pas une entité qui s'est incarnée. Donc, c'est pas. Nous, ceux qui accèdent à une néo-conscience. Moi, peut-être. Ben, moi, ça me dit oui. Bon, OK. As-tu une solution pour faire fuir les insectes invisibles comme des mouches? Je suis nouveau avec les prises avec cet invisible-là. Si vous vibrez très fort, vous avez une haute vibration, ces choses-là, c'est loin. Mais même là, il faut avoir une conscience de ça. pas finir comme. Comment il s'appelait, là, le français complètement fou qui a fini complètement drogué. Il dissolvait des larves, lui, avec des épées, là, magiques, là. Voyons, comment il s'appelait donc? Le fou, là, qui a écrit le Temple de Satan, puis ces choses-là. Il est mort complètement fou, ce monsieur-là. Il était sur la drogue, puis il dissolvait des larves qu'il voyait avec des épées dans son petit laboratoire d'occultiste, là. Ça, à mes yeux, là. Puis vous savez, s'il y a des choses, c'est comme des hydres, vous coupez ça en deux, puis vous en avez deux, là. Donc, Chine, c'est bon. Philippe Arlier, 4. Banque de données contre l'état profond. Ah, bon, monsieur, oui. Tout en sachant que l'astral apprend de ce qu'on l'on dit d'intelligent et l'intelligent de créer des formes qui peuvent servir à détrôner l'astral. Ben, l'astral, il va se dissoudre en évoluant de force à travers le changement dans ce qui est enregistré dedans. Donc, quand ça vibre à un certain niveau, c'est plus astral. Et puis, c'est un peu ça, là, les nouveaux cieux. Ce qui était dit, et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et descendit la Jérusalem céleste. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Je le vois comme ça, dans le sens qu'au-delà des mots, il y a des principes qui sont réels. Je prends les mots qui viennent tout de suite. Indulgence. Oui, ben, moi, je me trouve indulgent, donc c'est pas objectif. Avons-nous des familiers d'âmes représentées par des couleurs? Drôle de question, mais je vois toujours du jaune, sinon. Ben, les familiers, moi, j'ai de la difficulté avec ça. Si vous parlez là, comme des petits esprits, là. Moi, je considère que c'est pas bon, c'est. Si je me rendais compte que j'ai des petits familiers, je les congédierais immédiatement. Donc, mais j'ai connu des gens qui travaillaient avec des éléments, des petits esprits élémentaires, des petites entités pas très conscientes, là, à qui elles donnaient des ordres. Puis elles avaient réussi à provoquer des choses. Puis j'ai cette dame-là mal finie. C'est toujours le cas avec ces gens-là. Donc, comment il s'appelait le maudit qui voulait dissoudre des larves puis qui est mort complètement fou? Voyons, c'était quoi? J'ai plus la. Un ami là, de Papus puis toute cette gang-là. Ah, que je deviens. Bon, c'est pas grave, là. De notre vécu, là, des pas. C'est peut-être correct que je me rappelle plus de son nom. C'est bon signe. Le mochisme incorrespondant m'a affirmé aujourd'hui que nous créons des formes qui font disjoncter l'astral. Alors, au niveau des formes, oui, ben, c'est arrivé avec David Lévesque que les jours avant un entretien qui allait être très, très intéressant. Le dernier, ça a été moyen. Mais il y en a eu un autre avant que là, je sentais de la position, puis même la nuit qu'il y a eu après. J'ai vu qu'on avait ébranlé, là. Il était pas content. Pas David, là, mais d'autres affaires, là. Donc, Franz Bardon, non. Du tout. Gargamel. Non, non, non. Non, non, c'était un noble qui est mort très jeune. Puis, qui est tombé dans ces eaux-là. Qui s'est noyé dedans. Qui comprenaient pas. Il y a des gens qui sont très instruits au niveau de l'occulte d'une façon intellectuelle, mais ce n'est pas suffisant. Et ils vont finir par être submergés par ça et l'outil de ça. Et finalement, prenez l'Eliphas Lévi. À un moment donné, ses jambes se sont mises à enfler, puis là, ça fendait, puis ça suintait, puis aucun médecin comprenait ce qui se passait. En plus, à grande vitesse, là. Puis, il est mort dans d'atroces souffrances. C'est souffrant voir les jambes qui enflent d'un coup, puis une sorte d'éléphantiasis anormale qui, en quelques heures. Quand on joue dans certaines eaux, dans certains L'être humain est inconscient. L'être humain est inconscient et il palpe les choses à travers la mince couche de sa perception et il l'intellectualise. Et c'est là où il joue avec des forces dont il n'a pas idée parce qu'il n'en a pas la capacité. Et c'est là que je rejette tout ça. Tout ça, je ne peux pas faire autrement. Peut pas faire autrement. Et puis, l'être humain, souvent, va être encore dans un orgueil et une immaturité. Là. Prenez-le, comment il s'appelait lui? Vintraus avec ses hosties sanglantes. C'est de la folie. Dans le sens, c'est pas parce que quelque chose se matérialise puis qu'il y a une réalité que c'est intelligent. On est aussi bien de rester à faire des choses normales, avoir une vie normale, mais intégrer quand même. Que d'expérimenter avec des choses comme ça. C'est terriblement malsain, ça vibre extrêmement bas. Puis ces gens-là finissent mal. Même au Québec, là, ceux qu'on a dans ces eaux-là, il n'y en a pas un qui a bien fini. Puis même des gens que j'ai connus, il y en a, ils ont fini complètement dans des états. Ils ont des débuts de démence précoce, puis des. Bon, c'est pour ça que j'ai insisté quand je voyais que tu parlais dans des notions de serrage de cœur. Ça, c'est pas pareil. C'est pas pareil, là. Il y a un contexte. Il y a un contexte. C'est de la légitime défense, là, parce que là, on a affaire à des gens qui font mourir des centaines de personnes. Ne serait-ce que psychologiquement. Moi, dans ma ville, il y a eu plus de suicidés suite à toutes leurs mesures que que le nombre de morts d'une quelconque pandémie réelle ou imaginaire. Mais la pandémie de dépression nerveuse, la pandémie de suicide, la pandémie de faillite, la pandémie de drames familiaux, elle est bien réelle, elle. Et je considère que ces gens-là, c'est assez à se demander si nous trouverons quelque chose à serrer. Parce que là, à un moment donné, là, je n'ai aucun remords. Aucun remords, puis j'aurais jamais aucune pitié. Puis ce qui est fait avec des mains éthériques, c'est pas comme ce qui est fait avec des mains astrales. Donc, bon. Puis c'est difficile avec des mains astrales, c'est plus dur. Faut s'y prendre autrement. Puis ça prend du matériel. Puis ce n'est pas les mêmes techniques du tout. De toute façon, moi, il y en a un sur qui je me suis essayé, puis je me suis ramassé à me battre dans l'astral avec. En tout cas, je n'ai pas envie de parler de ça. C'est pas. En tout cas, on est confronté à la résolution de notre vécu lié à l'ère des poissons. Parce que là, ça, c'est lié à un cycle. C'est plus large que juste l'individu. L'individu n'est pas obligé nécessairement d'être. En tout cas. Pour trouver et en changer avec différents partenaires de parole et naturellement. Deviendra un espace de point zéro ou pas. Ben, j'ai pas retrouvé. J'en avais un très très bon. J'en avais vraiment extraordinaire, lui, qui était quelqu'un de très discret, qui voulait pas parler en public. Qui était le partenaire de parole d'un paquet d'autres aussi, parce qu'il y avait un don. Stanislas de Gaeta, toi, tu as Pouliot, tu l'as trouvé. Lui, méchant malade. Puis là, je parle au sens pas d'un fou, mais de quelqu'un qui s'est fait avoir totalement. Puis justement, qui montre le chemin à ne pas suivre, d'aucune façon. Puis, oui, c'est ça. Stanislas de Gaeta, qui est un bon exemple de pourquoi ces choses-là doivent être. C'est pas parce que vous avez de l'argent, puis que vous avez des. Vous avez côtoyé des maîtres ou des. Ça finit jamais bien. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Lui, là, on parle d'une marionnette là, qui a souffert beaucoup, d'après moi. Mais des gens. Ça fait pitié. C'est ça l'évolution, puis l'astral, puis le. Ça fait dur. Ça fait dur. Comment est-ce qu'on peut accepter de. Vous voyez comment il est mort jeune, puis aussi tout ce qui va vers l'usage de drogue, de pas tomber dans ces. Comme l'autre, le Britannique fou, là, que j'ai même pas envie de nommer son nom. Donc, au fond, ces gens-là, on devrait même pas en parler. Juste de savoir, puis de voir qu'est-ce que ça donne. C'est déjà suffisant. Bon. C'est tombé sur un os. J'ai vécu avec des bouchées lingues. Même en Afrique, ils les font trembler. C'est pas des affaires. Trembler quoi? Ah, c'est drôle, moi, les techniques de serrement du cœur que j'ai, c'est par rapport à les Douala. Le peuple Douala du Cameroun. Mais bon, j'ai eu il y a longtemps des. J'ai eu des correspondances, entre autres, avec des gens du Cameroun et un très fort intérêt sur leur technique à eux. Et bon. Mais à mes yeux, c'est spécial, hein, mais à mes yeux, c'est des gens plus conscients que comme notre ami là, Stanislas. Ils savent plus ce qu'ils font, mais bon. Les guêpes, les araignées, c'est satanique pour toi? Ben non. Pourquoi? Ben non. C'est quoi ça, ces histoires-là? Non. Mais je trouve ça pas mal con de penser ça. Admettons que ça serait quelqu'un considérait que ce qui est dans le sens qu'il y a certaines forces planétaires, ou qu'on appelle les forces animaliennes, c'est un palier plus bas que le satanique. Il y a trois paliers. Les forces animaliennes, les forces sataniques, luciférien. C'est les trois paliers de pouvoir sur notre planète, au sens des lois de la domination. Donc, il y a les forces animaliennes qui sont pas des forces au sens conscientisé, pas du tout, puis qui peuvent se manifester au niveau d'esprit groupe, puis qui peuvent même être utilisées par des gens qui sont au palier satanique, qui vont exercer certains rites. Mais non, c'est pas satanique, c'est les forces animaliennes. C'est les forces animaliennes. Puis, c'est pas nécessairement mauvais. C'est l'ego psychologique astralisé qui va définir telle chose comme mauvaise ou pas à ce niveau-là, parce qu'on parle de des forces, pas les animaux, c'est lié à de l'âme. Mais ben non, pourquoi ça serait satanique, les araignées? J'aime beaucoup les araignées, je tue jamais une araignée, moi. Quand il y a une araignée ici, je la laisse tout le temps faire son affaire. Parce que c'est mon ami. Les araignées sont mes amis. Les faux prophètes, tu les reconnais à leurs fruits. Pas nécessairement, c'est à la vibration. Quand que la vibration me voit, juste. Bon, en tout cas, je ne vais pas commencer à donner des exemples. Parce que c'est ceux qui sont vivants qui. Ouais. Puisqu'on parle de bibites, encore une drôle de question. J'ai trouvé deux mouches à sang mauve chez moi. Je comprends pas. Ben, ça arrive. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. Moi, je sais pas pourquoi il y a un animal qui est assez rare et qui est difficile à observer. C'est les petits pseudo-scorpions. Et toute ma vie, j'en ai toujours trouvé beaucoup. Peut-être parce que je suis porté à regarder les détails. Mais bon. Animalienne. Ben. Ahrimanienne, bon, ben là, je parle pas d'Ahriman, mais là, il y a l'affaire de toutes ces vieilles philosophies-là, binaires, ces vieilles spiritualités-là, manichéennes. Bon. Moi, Ahriman, pour moi, c'est des contes pour enfants. Ben, je dis pas qu'il n'y a pas quelque chose derrière, mais l'interprétation subjective qu'on en a. Il va falloir que je vous laisse, j'entends que j'ai des invités, j'ai de la visite. Je me demande pour les intelligences de l'esprit, pas l'amour. Je vais lire les dernières choses, là. Je me demande pour les intelligences, étudie-t-elle l'esprit après la mort? Non, impossible. C'est pour ça qu'ils parasitent les vivants. Ce qui est mort, c'est mort. Puis de la mémoire morte, c'est de la mémoire qui n'intègre pas au sens où on l'entend comme l'esprit. Ils ne peuvent pas intégrer ce qui ne se réfléchit pas. Puis l'esprit, ça ne se réfléchit pas. L'esprit, c'est comme un feu, c'est comme une lumière. Dans l'astral, il n'y a aucune lumière. Aucune. C'est pour ça qu'il y a un parasitisme des vivants. Puis qu'il y en a qui ont dit que les morts, c'est des vampires. Ou que les morts dorment. Pourquoi on dit le séjour des morts, que les morts dorment? C'est entre autres à cause de ce phénomène-là. C'est pas pour rien l'incarnation. Même les morts envient les vivants. Bien, d'une jalousie, là. En tout cas, je te l'affirme depuis 5 ans, je te lis. C'est la vibration de toi partout et nulle part en haut qui me permette Ben là, ça continue, j'imagine. Je me demande pourquoi les intelligences étudient-elles l'esprit après la mort. Ben non, ils le font, ils peuvent pas. Ça va être d'une façon subjective par procuration du vivant. L'esprit, c'est un phénomène qu'on entre en contact avec seulement quand on est dans le terminal de l'incarnation sur un plan, comme les plans d'incarnation. C'est pas de l'incarnation, le monde de la mort. De là à un partenaire de parole à ajuster. Ah, c'est la suite du. C'est difficile de trouver un partenaire de parole. J'ai enterré de l'argent liquide dans mon jardin. Depuis, je suis riche. Saurais-tu m'expliquer pourquoi? J'ai pas envie. Ben, je sais pas, là. Si vous l'avez fait comme un rituel, vous allez le repayer puis vous ramassez moins riche à un moment donné dans notre plan ou un autre, mais ça dépend, là. Donc, bonne soirée à toi, soleil couché depuis heure en France. Moi ici, on est juste l'après-midi. Donc, bonne soirée à vous. Que ce soit clair, même si il bricole avec une conscience différente au Cameroun, il joue avec le feu. Ouais, mais eux autres, ça fait partie de leur programmation en tant que collectif. Puis, j'aimais pas au-dessus des autres, là. Au contraire, regarde dans la merde qu'ils sont. Alors, regarde, toi, là, la capitale, comment que ça a l'air. Bon, en tout cas. Moi, je le bois, l'argent liquide, ah, l'argent colloïdal. Bonne soirée. Fin de journée à tous, au plaisir. Bonne soirée. Le mochisme, ce que tu sais à propos des morts, c'est parce que tu as étudié cela avec eux ou c'est parce que Bernard l'a dit ainsi? Les trois. Puis, je te dis pas c'est quoi le troisième. je sais, je suis passé par là et par amour pour là, aucune pratique occulte. Pas moi non plus, j'ai jamais, même j'ai côtoyé beaucoup de gens qui avaient trempé là-dedans, j'ai jamais, j'ai pas, je crois, pour moi, c'est pas réel dans le sens que même si ça crée un effet, c'est pas normal de passer par ça. Ça me fait passer dans le temps, là, à un moment donné, quand j'étais petit, là, les Schtroumpfs, là, le dessin animé, à un moment donné, Gargamel, il est en train de pactiser avec une espèce d'entité, puis là, faut qu'il fasse un paquet de conneries, comme manger du pain en putréfaction. Puis... L'invisible aime humilier l'homme, parce que c'est un être qui est ignorant de sa réelle. En tout cas, tu connais les bonhommes à limite de Jacques Martel? Non. C'est qui Jacques Martel? Pourquoi il n'y a pas un S à la fin de son prénom? Non, moi je connais l'autre, là, Martel, là, qui avait un marteau d'armes. Un peu l'équivalent masculin de Jeanne Hachette. Non, ben, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne le connais pas, Jacques Martel. Je ne suis pas très calé, comme vous voyez, dans ce qui se fait maintenant, de tous les gens qui tremblent dans toutes sortes... de choses qu'il y a partout sur YouTube ou les auteurs puis les puis j'ai un espèce de dedans pour tout ce qui est proche comme les affaires comme Ivanov puis les fraternités blanches ou gris pâle je m'intéresse pas donc je suis pas au courant de tous ces gens là. Comment sait-on que les morts haïssent les vivants? Ils haïssent pas les vivants, pas objectivement, mais ils sont sous l'emprise des lois de leur monde. Donc, en tout cas, là, je vais quitter là bientôt. OK, oui, il me semblait, je trouvais ça spécial. Je pensais au Jacques avec un S. Je pensais que c'était encore un original là, qui avait décidé d'orthographier son nom différemment. Parce que ces secteurs-là sont pleins de gens des originaux qui sont d'une banalité aléatoire assez décevante, mais d'un originaux psychologiquement. Dans le sens d'une excentricité sans centricité, souvent. Bon, en tout cas. Oui, c'est du rituel car basé sur de la croyance. Aucune loi n'est expliquée clairement. Que tous puissent vérifier, en gros, ben c'est ça. Il faut intégrer les lois. C'est plus intéressant que même toute pratique. Parce qu'une fois qu'on a intégré les lois de certaines choses, on ne tombe pas dans la pratique parce qu'on voit que c'est pas. En tout cas, à la prochaine. Bertrand, original, le mot est faible. OK, à la prochaine. Bon, ben, bonne journée.